Mark M. Dan, archive.org. D'après, vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux Père Saint-Jean de la Croix, traduction faite sur l'édition de Séville de 1702, publiée par les soins des Carmélites de Paris, librairie religieuse Houdin 1893, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Chapitre 17. Les biens temporels, première source de la joie, direction qu'il faut donner à cette joie. Parmi les causes de la joie, nous avons placé au premier rang les biens temporels, on entend par là, les richesses, les possessions, les charges et autres avantages extérieurs, comme aussi les alliances, les parents, les enfants, etc. Toutes ces choses peuvent procurer des jouissances à la volonté, mais combien vaine et frivole est la satisfaction puisée dans ces biens temporels, et dans d'autres semblables, comme les titres honorifiques et les dignités, objets habituels de l'ambition humaine. Ah, si l'homme spirituel devenait le serviteur de Dieu en proportion de ses richesses, il aurait lieu en effet de s'en réjouir. Loin de là, elles sont trop souvent pour lui une occasion d'offenser la divine majesté, selon l'enseignement du sage, « Mon fils, si vous êtes riche, vous ne serez pas exempt de fautes », Ecclésiaste 11, 10. À la vérité, les biens temporels en eux-mêmes ne portent pas nécessairement au péché, cependant la fragilité humaine est si grande que le cœur s'y attache, et ainsi se détourne de Dieu. Voilà ce qui constitue le péché, c'est pourquoi le sage dit aux riches, « Vous ne serez pas à l'abri de toute faute », c'est pour le même motif que, dans son évangile, notre Seigneur Jésus-Christ appelle les richesses des épines, Luc 8, 14, Matthieu 13, 22, afin de faire comprendre que celui-là ne laissera pas de recevoir la blessure du péché, qui usera de ses trésors avec esprit de propriété. Écoutez encore le divin maître, en saint Matthieu, nous en inspirer une crainte salutaire, je vous dis en vérité qu'un riche, c'est-à-dire, celui qui trouve son plaisir au sein des richesses, entrera difficilement dans le royaume des cieux, citation, 19, 23. Puisque les biens de ce monde sont une source de danger, n'est-il pas évident que l'homme ne doit pas se réjouir de leur possession? David nous exhorte aussi à les fuir par ce sage conseil, « Si vous avez beaucoup de richesses, gardez-vous d'y attacher votre cœur », psaume 61, 11, je ne citerai point d'autres autorités à l'appui d'une vérité si manifeste. Il me serait d'ailleurs impossible d'énumérer tous les mots attribués aux richesses par Salomon dans l'Ecclésiaste. Ce roi si opulent et si grand par sa sagesse en connaissait la véritable valeur. J'ai vu tout ce qui se passe sous le soleil, s'écrit-il, ce n'est qu'universelle vanité, affliction d'esprit et vaine sollicitude, Ecclésiaste 2, 14 et 2, 26. Celui qui aime les richesses n'en recueillera point de fruits, Ibidem 5, 9. Et plus loin, les richesses conservées avec soin, font le malheur de celui qui les possède, Ibidem 5, 12. L'évangéliste Saint Luc rapporte la parabole de cet homme qui, se réjouissant d'avoir amassé une abondante moisson pour plusieurs années, entendit une voix du ciel lui dire, « Insensé, on va te redemander ton âme cette nuit même, et pour qui sera tout ce que tu as amassé ?» Luc 12, 20. David avait dit avant lui, « Ne craignez point en voyant un homme devenu riche, car lorsqu'il sera mort, il n'emportera point tous ses biens, et ce qui fait sa gloire ne descendra point avec lui dans la tombe. » Psaume 48, 17, 18. Le prophète royal nous enseigne par ses paroles que le riche est plus digne de compassion que d'envie. L'homme spirituel devra en conclure qu'il ne faut pas se réjouir de ses biens, ni de ceux de son frère. Si parfois on peut se féliciter d'en posséder quelques-uns, c'est lorsqu'ils sont employés au service de Dieu. Tel est l'unique profit qu'on en puisse recueillir. La même application peut être faite aux autres biens temporels, titres, positions, emplois, etc. C'est vanité que de placer son bonheur dans toutes ces choses, si elles ne nous animent à aimer le Seigneur davantage, et à marcher avec plus de fidélité dans le chemin qui conduit à la vie éternelle. Or, comme personne ne peut être assuré que ces biens le rendent en réalité plus agréable aux yeux de Dieu, il serait frivole de se réjouir avec confiance de leur possession. Félicitons-nous donc uniquement de ce qui favorise le service de notre Dieu. Toute autre joie ne saurait être raisonnable en présence de cette maxime. Que servirait-il à l'homme de gagner l'univers, s'il vient à perdre son âme? Matthieu 16, 26. Il importe peu d'avoir un grand nombre d'enfants comblés de dons, de grâces naturelles et des biens de la fortune, l'important est qu'ils soient de fidèles serviteurs du souverain maître. Absalom, fils de David, avait en partage la beauté, la richesse et une illustre naissance. À quoi lui servir ces avantages, dès lors qu'il ne les rapporta pas à Dieu? C'est encore vanité déraisonnable que de désirer des enfants avec ardeur, comme le font certaines personnes, sans savoir s'ils seront bons et dévoués à la cause de Dieu. Le contentement qu'ils en espèrent ne se changera-t-il pas bientôt peut-être en douleur? Le repos et la consolation qu'ils en attendent, en travaux et en désolation, l'honneur en déshonneur, enfin ne deviendront-ils pas pour eux une occasion d'offenser Dieu? Comme il arrive à un trop grand nombre, à ses parents insensés, il faut appliquer la parole du Christ, « Vous parcourez la mer et la terre pour enrichir vos enfants, et en faire des fils de perdition, et après qu'ils le sont devenus, vous les rendez dignes de l'enfer deux fois plus que vous. » Matthieu 23, 15. Quand même toute chose sourirait à l'homme et lui serait propice, au point qu'il n'aurait, comme on le dit vulgairement, qu'à ouvrir la bouche pour être comblé de bien, il devrait trembler plutôt que de se réjouir. Parce qu'il y a là une occasion plus périlleuse d'oublier Dieu et de l'offenser. Au milieu des splendeurs de sa royale cour, Salomon se tenait sur ses gardes, et s'écriait dans l'Ecclésiaste, « J'ai condamné les ris de folie et j'ai dit à la joie, pourquoi vous trompez-vous si vainement ?» Citation 2, 2. C'est-à-dire, au sein de la prospérité, j'ai regardé comme une vanité frivole et illusoire de m'y complaire. Sans doute, c'est une erreur grossière et une grande folie à l'homme de se livrer à la joie, lorsque tout lui réussit à souhait. D'autant qu'il n'a pas la certitude de retirer de cette prospérité des avantages pour l'éternité. Le cœur des sages est là où se trouve la tristesse, et le cœur des insensés, là où est la joie. Ecclésiaste 7, 5, ajoute Salomon. La vaine jouissance aveugle le cœur, et ne lui permet pas de considérer et d'apprécier les choses justement. Au contraire, la tristesse fait ouvrir les yeux pour examiner le danger ou le profit qui s'y trouve. La colère, dit encore le sage, vaut mieux que le riz. Il vaut mieux aller à une maison de deuil qu'à une maison de festin, car dans celle-là on est averti de la fin de tous les hommes. Ibidem 7, 4, 3. C'est une égale vanité aux époux de se réjouir de leur état, sans savoir d'une manière certaine si leur union est pour eux un moyen de mieux s'acquitter de leur devoir de chrétien. Loin de là, ils doivent être pleins de confusion, en méditant le passage où saint Paul avoue que le mariage partage leur affection et les empêche de donner leur cœur entièrement à Dieu. Si vous êtes affranchis des liens du mariage, gardez-vous de chercher à les contracter. 1 Corinthiens 7, 27. Si toutefois vous êtes engagé dans ces liens, L'apôtre vous souhaite une liberté de cœur aussi grande que si cette alliance n'existait pas, il nous indique encore la conduite à tenir, à l'égard de tous les autres biens temporels. Par ces belles paroles, voici donc, mes frères, ce que je vous dis, le temps est court, ainsi donc que ceux même qui ont des femmes soient comme n'en ayant point, ceux qui pleurent, comme ne pleurant point, ceux qui se réjouissent, comme ne se réjouissant point, et ceux qui achètent, comme ne possédant point, enfin ceux qui usent de ce monde, comme n'en usant point. 1 Corinthiens 7, 30, 31. Cet avis résume et confirme notre doctrine, à savoir, que c'est une vanité de diriger sa joie sur tout objet qui est en dehors du service de Dieu, et que l'âme n'en peut retirer aucun avantage. La joie qui n'est pas selon Dieu, n'amène point de bons résultats. Chapitre 18. Dommage causé à l'âme par la joie puisée dans les biens temporels. Si nous devions énumérer ici tous les maux qui assiègent l'âme, quand elle porte l'affection de sa volonté sur les biens temporels, nous n'aurions pas assez d'encre, de papier ni de temps, de même qu'une simple étincelle peut allumer un vaste incendie, ainsi d'une très petite cause peuvent résulter quelquefois de très grands inconvénients, et la perte de biens considérables. Le principe de ces dommages est notre séparation d'avec Dieu, résultat trop funeste de cette joie qui exerce son action privative sur l'âme. Si, en effet, l'âme s'approche de Dieu par l'affection de la volonté, elle puise à la source de tous les biens, et si elle s'éloigne de son Créateur par l'affection des créatures, elle donne prise à tous les maux. En proportion de la joie et de l'amour qu'il unisse à la créature, elle se sépare de Dieu, et selon que cet éloignement est plus ou moins grand, elle peut supputer l'étendue ou l'intensité de ses pertes. Le plus souvent même, elle les constatera l'une et l'autre à la fois. Ce premier dommage donne naissance à d'autres, tant privatifs que positifs, et renferme 4 degrés plus funestes les uns que les autres. Quand l'âme les a parcourus, elle se voit en butte à tous les maux et à toutes les adversités qu'on peut énumérer en ce genre. Moïse signale parfaitement ces divers degrés au livre du Deutéronome, 32, 15. Ce peuple si aimé de Dieu s'est engraissé, et s'est révolté contre lui, dans son engraissement, son embonpoint, son exubérance, il a abandonné Dieu son Créateur. Il s'est éloigné du Dieu son Sauveur. L'âme, autrefois la bien-aimée de Dieu, s'engraisse quand elle se plonge dans les jouissances des créatures, elle franchit ainsi le premier degré, c'est-à-dire elle retourne en arrière, par une sorte d'indolence de l'esprit à l'égard de Dieu. Cette tiédeur l'aveugle à l'endroit des biens spirituels, de même que le nuage obscurcit l'air et entrave les rayons du soleil. Lorsqu'homme spirituel met son plaisir dans quelque objet créé, et donne un libre cours à ses appétits pour se repaître des futilités du monde, il perd la droiture de son jugement et la pureté de son intelligence. L'Esprit Saint nous l'enseigne au livre de la Sagesse, 4, 12, l'enchantement des bagatelles obscurcit le bien, et les passions volages de la concupiscence corrompent l'esprit simple et innocent. L'esprit sanctificateur nous révèle par là que l'âme, n'eût-elle conçu aucune mauvaise intention, la seule convoitise et la jouissance des créatures suffiraient à la maintenir dans ce premier degré, où l'esprit est comme engourdi et le jugement aveuglé. Pour ce qui concerne l'intelligence de la vérité et l'appréciation de chaque chose selon sa valeur réelle, la rectitude du jugement ne saurait mettre l'âme à l'abri de ce danger. Si elle satisfait sa concupiscence dans la jouissance des biens temporels, Dieu dit à Moïse dans un sens analogue, « Vous ne recevrez aucun don, parce qu'ils aveuglent les sages eux-mêmes. » Exode 23, 8. Cet avertissement s'adressait particulièrement aux juges, dont la sûreté d'appréciation aurait pu être troublée par la convoitise des présents, Aussi Dieu commanda, il aux législateurs d'Israël d'établir juges ceux qui avaient l'avarice en abomination, choisissez d'entre tout le peuple des hommes, ennemis de l'avarice, et qui soient occupés à rendre la justice au peuple en tout temps. Exode 18:21-22. Non seulement le Seigneur prohibe ses désirs du lucre, mais il veut qu'on s'en éloigne avec horreur. En effet, pour se défendre parfaitement contre la passion de l'amour, il faut en venir à concevoir même de la répulsion pour l'objet aimé, car ce sont seulement les contraires qui s'excluent l'un l'autre. Pourquoi le prophète Samuel fut-il toujours un juge droit et équitable? C'est qu'il ne consentit jamais à recevoir aucun présent, comme il l'assure lui, même au premier livre des Rois, 12:3. Le second degré du dommage privatif dérive du premier, il est signalé par le texte déjà cité, dans son engraissement, son embonpoint, son exubérance. Ainsi ce second degré est une dilatation de la volonté, une jouissance plus libre au sujet des biens temporels. On n'a plus ni remords, ni peine, ni scrupule de poursuivre les biens créés, et de s'y attacher avec complaisance, pour n'avoir pas su réprimer dès le début la joie désordonnée, l'âme s'est engraissée dans cette passion, et l'embonpoint qu'elle a trouvé au milieu de ses convoitises et de ses désirs, a dilaté sa volonté et l'a répandue sur les créatures, il en résulte de grands inconvénients. Arrivée à cet état, l'affection de l'âme se détourne des choses de Dieu, son être est captivé par un autre objet, ne se complète plus dans les saints exercices de la vertu, alors elle se jette dans les plaisirs frivoles et poursuit mille bagatelles, au point culminant de ce second degré, l'âme abandonne tout à fait ses pratiques de piété accoutumées, les désirs et les tendances de son esprit se portant vers les vanités du siècle, comme au premier degré. Non seulement son jugement et son intellect se ferment à la connaissance de la vérité et de la justice, mais encore l'âme devient lâche et tiède à la recherche du bien, elle l'est surtout lorsqu'il s'agit de le mettre en pratique. Les paroles suivantes d'Isaïe l'attestent, ils aiment tous les dons, ils ne cherchent que le gain et l'intérêt, ils ne font point justice à l'orphelin, et la cause de la veuve n'a point d'accès auprès d'eux. Isaïe 1:23. Comment de tels actes ne seraient-ils pas entachés de fautes, particulièrement si le devoir de leur charge les oblige à rendre la justice? Ici, l'âme n'est plus exempte de malignité comme dans le premier degré. Elle s'éloigne de la justice et de la vertu, parce que sa volonté se porte de plus en plus vers l'affection des créatures. Le cachet distinctif des âmes arrivées à ce second degré est une tiédeur et une négligence effrayante dans les choses spirituelles. On les accomplit plutôt par manière d'acquis, par contrainte ou par habitude, que par un motif d'amour. Le troisième degré du dommage privatif infligé à l'âme, est une indifférence absolue, un abandon complet de Dieu et de sa loi, afin de ne pas se priver de la moindre satisfaction mondaine. Alors les convoitises de l'âme la précipitent dans l'abîme du péché mortel. Ce troisième degré est ainsi décrit dans le texte précédent, il a abandonné Dieu son Créateur. Ceux-là ont le malheur de s'y trouver engagés, qui ont laissé leurs facultés se porter sur les jouissances, sur les biens et sur les affaires du monde, jusqu'au mépris de la loi divine et de son observation, ils sont plongés dans la torpeur. Par rapport aux intérêts de leur salut, toute leur activité et toutes leurs aptitudes se tournent vers les intérêts du temps. Aussi le Christ les appelle-t-il dans l'Évangile les enfants de ce siècle, et il dit d'eux, les enfants du siècle sont plus sages dans la conduite de leurs affaires que ne sont les enfants de lumière. Luc 16:8. Ils font tout pour le monde et rien pour Dieu, ce sont à proprement parler des avares, dont la passion se répand sur les biens de la terre avec tant d'avidité, qu'ils sont insatiables de jouissance. Bien plus, Leur faim et leur soif augmentent, à mesure qu'ils s'éloignent de l'unique source capable de les désaltérer. Or cette source, c'est Dieu, le Seigneur leur adresse ce reproche par la bouche de Jérémie, « Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes entr'ouvertes, des citernes, qui ne peuvent retenir l'eau. » Citation 2, 13. Loin d'apaiser la soif du cœur, les objets créés ne font que l'augmenter, et entraînent l'âme dans une multitude de péchés à l'occasion des biens temporels, selon l'expression de David. Ils se sont abandonnés à toutes les passions de leur cœur. Psaume 72, 7. Le quatrième degré du dommage privatif est exprimé par les derniers mots de la citation que nous avons faite. Il s'est éloigné de Dieu son sauveur. Ce degré est une conséquence du troisième, quand l'homme, épris d'affection pour les biens temporels, ne conforme plus sa vie aux prescriptions de la loi divine, il s'éloigne de son Seigneur sous le triple rapport de la mémoire, de l'entendement et de la volonté, il renie le Seigneur pour son souverain maître, et se fait un dieu de l'argent et des biens temporels. Comme l'affirme saint Paul, l'avarice est une idolâtrie, Colosse 3, 5. Ce quatrième degré conduit l'homme jusqu'à l'oubli de Dieu, et le cœur qui devait exclusivement concentrer en lui son amour, s'attache à un vil métal comme s'il n'avait pas d'autre divinité. Ainsi font ceux qui n'hésitent pas à employer les choses divines et surnaturelles au service des intérêts du temps, tandis qu'ils devraient faire le contraire en les consacrant à Dieu. Ainsi que l'exige la droite raison, tels furent l'impie Balaam qui vendit le don de prophétie dont Dieu l'avait favorisé, Nombre 22, 7, et Simon le magicien qui prétendait acheter à prix d'argent le pouvoir surnaturel, Actes 8, 18, 19. Tous deux prouvaient par cette conduite inique qu'ils estimaient l'argent au-dessus de la grâce, et qu'ils espéraient trouver quelqu'un capable d'apprécier assez ce vil métal, pour vendre les dons de Dieu en échange. Aujourd'hui, hélas, bon nombre de personnes parviennent à ce degré de diverses manières, leur raison est obscurcie par la convoitise des biens d'ici-bas, même au milieu de leurs exercices spirituels. Le mobile de leurs actions est à coup sûr l'argent et non pas la volonté du Seigneur. Les malheureux, ils donnent la première place alors, et ne se soucient pas des divines récompenses, sous une foule de rapports. Ils font du métal leur fin principale, leur divinité, et l'estiment supérieure à leur fin suprême, qui est Dieu. On peut encore ranger dans cette catégorie tous ces misérables, passionnés pour les biens d'un jour, auxquels ils n'hésitent pas à sacrifier même leur propre vie. Lorsque leur idole vient à leur manquer, le désespoir s'empare d'eux, et ils finissent tristement leur existence. Ils montrent ainsi quelle terrible récompense on doit attendre d'un tel Dieu, rien autre que le désespoir et la mort, et ceux qu'ils ne persécutent pas jusqu'à cette funeste extrémité. Il les fait languir au milieu des sollicitudes et d'une foule de misères, qui ne laissent jamais pénétrer l'allégresse dans leur cœur, et les empêche de jouir d'aucun repos, toujours forcés de lui payer le douloureux tribut de leur affection, et de se fatiguer à son service. Ils accumulent des richesses, qui finalement les conduisent à la juste perdition que le sage leur a prédite en disant, « Les richesses conservées avec soin font le malheur de celui qui les possède. » Ecclésiaste 5, 12. C'est à ce quatrième degré qu'appartiennent ceux dont saint Paul parle aux Romains. Dieu les a livrés à un sens dépravé. Romains 1, 28. Tels sont les désastres que la passion de la joie inflige à l'homme, quand il attache son cœur aux richesses, comme à sa fin dernière, mais alors même qu'il ne descend pas jusqu'au fond de cet abîme. Il ne laisse pas cependant d'être digne d'une grande pitié, car, ainsi que nous l'avons dit, Cette passion a toujours le triste résultat de le faire retourner considérablement en arrière dans les voies spirituelles. David dit en ce sens, « Ne craignez pas en voyant un homme devenu riche et sa maison comblée de gloire, c'est-à-dire, ne lui portez point envie, en pensant qu'il est plus avantagé que vous, car lorsqu'il sera mort, il n'emportera point tous ses biens, et sa gloire ne descendra point avec lui dans la tombe. » Psaume 48, 17, 18. Chapitre 19. Des avantages que l'âme se procure, par le renoncement, aux joies puisées, dans les choses temporelles. L'homme spirituel doit exercer une surveillance attentive sur son cœur, afin qu'il ne mette pas sa joie dans les biens passagers, de peur de voir une attache, légère au début, grandir peu à peu, et atteindre les plus désastreuses proportions. Il ne faut pas se fier à la modération d'une attache, ni se rassurer en disant « ce lien est faible, et j'ai l'intention de le rompre plus tard, si dès le début, alors qu'il est encore si frêle, vous n'avez pas le courage de le rompre. Comment présumez-vous pouvoir l'arracher quand il aura jeté de fortes racines ? Au reste, notre Seigneur n'a-t-il pas dit dans l'Évangile ? Celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes, Luc 16, 10, et celui qui évite les petites fautes n'en fera pas de considérables. D'une attache même légère résulte, notez-le bien, de graves inconvénients, par elle l'enceinte et la forteresse du cœur sont forcées, et, comme dit le proverbe, une œuvre commencée est à moitié achevée. David nous fait cette exhortation, « Si vous avez beaucoup de richesses, gardez-vous d'y attacher votre cœur. » Psaume 61:11. En effet, si l'homme ne dégageait pas son cœur de toutes les jouissances créées, par un pur motif d'amour de Dieu, et afin de mieux accomplir les préceptes de la perfection chrétienne, il devrait encore le faire pour les seuls avantages temporels qu'il en recueille. Ainsi il se délivre d'abord des maux désastreux dont nous avons parlé dans le chapitre précédent, et de plus, par ce dépouillement, il acquiert la vertu de libéralité. Or cette qualité, qui forme un des principaux attributs de Dieu, est tout à fait incompatible avec la convoitise, une grande liberté d'esprit, un jugement très éclairé, le repos, la tranquillité et une douce confiance en Dieu, sont encore les fruits précieux de cette abnégation absolue. La volonté inclinée alors vers celle du Seigneur lui rend un véritable culte d'adoration. Se détacher des créatures, c'est trouver en elles plus de jouissance et de satisfaction que si on y attachait son cœur. Avec un sentiment de propriété, une pareille sollicitude est une lourde chaîne qui tient l'esprit captif, et ne permet pas à l'âme de prendre librement son essor, au double point de vue naturel et surnaturel. L'homme se forme par le renoncement une connaissance plus précise de la vérité des choses et de leur valeur intrinsèque. Voilà pourquoi il en jouit bien davantage que l'homme engagé dans la satisfaction d'ici-bas, celui, s'il les apprécie selon leur apparence trompeuse, et celui-là selon la vérité, l'un les envisage de leur meilleur côté et en considère le fond et la substance, l'autre les juge d'après ce qu'elles ont de moindre et d'inférieur. Selon leur côté accessoire et accidentel, on le sait, les sens ne peuvent pénétrer au-delà de l'apparence, mais l'esprit, purifié du nuage des formes accidentelles, perce jusqu'à la vérité, car c'est là son objet. Aussi la passion de la joie répand-elle comme des ombres sur le jugement, parce qu'il ne peut exister de jouissance volontaire dans les créatures, sans un acte de propriété volontaire aussi. Au contraire, la privation des vaines jouissances dégage l'âme, et rend au jugement toute sa lucidité, ainsi que l'air redevient pur et transparent, quand les vapeurs qui l'obscurcissaient se sont dissipées. Donc l'abnégation jouit de tout, comme si elle possédait tout, mais la propriété, par cela même qu'elle se porte sur un objet particulier, se prive de la satisfaction générale de tous les autres, dans le premier cas, le cœur ayant brisé tous les liens des créatures, les possède toutes dans une merveilleuse liberté, au dire de saint Paul, 2 Corinthiens, 6, 10. Dans le second cas, la volonté attachée à un objet créé n'en possède réellement aucun, de plus, elle est possédée par eux et endure les souffrances d'un rude esclavage, les peines et les angoisses de cette âme croissent en raison directe des jouissances qu'elle cherche parmi les créatures. Celui qui possède la science du renoncement, est à l'abri des sollicitudes à l'heure de la prière, ou en dehors de ce saint exercice. Sans perte de temps, il recueille avec une extrême facilité d'abondantes richesses spirituelles. Celui qui ignore cette science sublime, s'épuise en vains efforts pour échapper au filet où il est retenu captif, et malgré tous ses soins, à peine peut-il détourner un instant sa pensée du triste objet, de son affection. Si l'homme spirituel s'aperçoit que la passion de la joie s'émeut en lui, il doit réprimer aussitôt ce premier mouvement, et se souvenir de la doctrine résumée dans ce principe, il n'est rien dont on puisse se réjouir, si ce n'est de ce qui peut contribuer au service, à l'honneur et à la gloire de Dieu, il faut subordonner toute chose à ce seul but, sans mendier auprès des créatures les joies et les consolations de nature à satisfaire la vanité. Un autre avantage très considérable qui résulte du dégagement des biens temporels, consiste à garder le cœur pur et libre pour Dieu seul, disposition essentielle et absolue pour attirer les faveurs célestes, ces grâces sont inappréciables, même sous le rapport temporel, puisque pour un plaisir sacrifié à l'amour du Seigneur, et au parfait accomplissement de la loi évangélique, Sa Majesté divine promet le centuple des sept vies, comme il le dit lui-même dans son évangile, Matthieu 19, 29. D'ailleurs, en dehors même de cette pensée, le chrétien, et toute âme adonnée à la spiritualité, devrait encore s'efforcer d'éteindre dans son cœur le besoin de jouir des créatures uniquement en vue du déplaisir qu'il cause à Dieu. Rappelons-nous la parabole du riche, qui se glorifiait d'avoir accumulé des biens pour de longues années, et qui mérita d'entendre le Seigneur lui adresser dans son courroux cette terrible menace, « Insensé, cette nuit même on va te redemander ton âme », Luc 12, 20. Ce texte est bien capable de nous faire trembler, toutes les fois que nous flattons notre cœur d'une joie vaine, craignons d'attirer sur nous les regards indignés de Dieu, et de nous préparer une épreuve et un châtiment proportionné à notre prévarication, et dont l'amertume surpassera de beaucoup peut-être la jouissance elle-même. Saint Jean dit dans l'Apocalypse en parlant de Babylone, multiplier ses tourments et ses douleurs, à proportion de son orgueil et des délices où elle s'est plongée, Apocalypse 18, 7. Toutefois cela ne veut pas dire que la peine n'excède pas la joie, car pour des plaisirs passagers, on subit des tourments immenses et éternels. Il est irrécusable qu'aucune faute ne restera sans recevoir son châtiment particulier. Celui qui demandera compte d'une parole inutile, ne laissera pas impuni un plaisir frivole. Chapitre 20. Combien il est vain de placer la joie de sa volonté dans les biens naturels, comment on doit se servir d'eux pour s'élever jusqu'à Dieu. Les biens naturels sont au physique, la beauté, la grâce, la distinction des manières, la complexion et toutes les autres qualités du corps, au moral, le bon jugement, la discrétion et les autres dons qui appartiennent à la raison. Si l'homme se glorifie des qualités qu'il découvre en lui ou en ses proches, sans songer à en remercier Dieu, qui distribue ses grâces uniquement en vue de se faire mieux connaître, et davantage aimer, c'est une vanité et une illusion. Comme le dit Salomon, La grâce est trompeuse et la beauté est vaine, la femme qui craint le Seigneur est celle qui sera louée. D'où il suit qu'il faut se tenir en garde contre tous les avantages naturels qui peuvent, avec une effrayante facilité, nous détourner de l'amour divin, et nous entraîner dans l'orgueil. Le sage affirme que la grâce corporelle est mensongère. Elle trompe l'homme par des charmes séducteurs, en lui inspirant une frivole complaisance en lui-même ou en celui qui en est doué. L'auteur sacré ajoute que la beauté est vaine, et que, attirant l'homme vers un objet défendu, elle l'amène à faire de fréquentes chutes. L'estime de ses biens naturels doit donc se baser uniquement sur l'utilité particulière ou générale qui peut en revenir pour la gloire de Dieu. Ô âme spirituelle, ne vous départez pas d'une prudente réserve à l'égard des dons de la nature, de peur qu'ils ne vous portent à offenser Dieu par une futile présomption. Craignez que votre vaine ostentation ne devienne pour autrui un écueil, capable de détourner son cœur, ne fût-ce qu'un instant, de l'amour de Dieu. Ces agréments ont des charmes si attrayants et si provocateurs pour ceux qui les possèdent, comme pour ceux dont ils attirent les regards, qu'à peine se rencontrent-ils. Il une âme assez forte pour échapper à leur filet. Aussi a-t-on vu bon nombre de personnes avancées dans la vertu, demander à Dieu par de ferventes prières de perdre les dons naturels qui leur étaient départis, afin de ne pas éveiller en elles, ou dans les autres, une complaisance et une affection frivole. Vous tous qui voulez faire de rapides progrès dans la perfection, purifiez votre volonté, et rendez-la aveugle par rapport aux vaines jouissances. Souvenez-vous que la beauté et les autres qualités extérieures ne sont que de la boue, elles tirent leur origine de la terre et y retournent, c'est encore une fumée et une vapeur légère qui se dissipent dans les airs. Vous devez les estimer telles, pour éviter les embûches de la vanité. Élevez votre cœur vers Dieu, et réjouissez-vous de ce qu'il possède éminemment en lui-même l'ensemble de toutes les beautés et de toutes les grâces. À un degré infiniment supérieur aux perfections des créatures, ils périront, s'écrit le royal prophète, mais vous subsistez toujours, ils vieilliront tout comme un vêtement, psaume 101, 27. Si vous ne vous efforcez pas de surnaturaliser votre joie, elle sera toujours illusoire. C'est d'une joie semblable que Salomon disait, « Pourquoi vous trompez-vous si vainement ?» Ecclésiaste 2:2. Ce qui arrive quand le cœur se laisse captiver par le charme des créatures. Chapitre 21. Dommage qu'éprouve l'âme, lorsqu'elle place la joie, de sa volonté, dans les biens naturels. Dans l'énumération faite ici des inconvénients et des avantages qu'occasionnent les diverses espèces de joie, il y en a un grand nombre qui sont communs à toutes. Cependant, comme il dérive directement du renoncement à cette joie ou de son acceptation, je rapporte à chaque division certains inconvénients ou certains avantages, qui se rencontrent également dans les autres. Mon intention principale est d'expliquer les maux et les biens spéciaux, que l'acceptation ou le refus de la joie apporte à l'âme. Je les nomme spéciaux, parce qu'ils sont les effets premiers et directs de tel genre de joie, et ne peuvent être causés par une autre espèce, si ce n'est d'une manière secondaire et médiate. Par exemple, le mal de la tiédeur spirituelle est le résultat direct de toutes les espèces de joie et de chacune d'elles. En tant que passion non réglée, c'est donc un mal général, comme en aussi divisions énoncées dans le chapitre 16. Celui de la sensualité est particulier, et découle immédiatement de la joie prise dans les biens naturels, dont il est ici question. Or, la joie des biens de la nature produit, d'une façon directe et effective à l'âme, six sortes de dommages principaux. Le premier est la vaine gloire, la présomption, l'orgueil et le mépris du prochain. Donner à un objet l'hommage d'une estime exagérée, c'est évidemment le placer au-dessus des autres, Du moins en résulté, il dans le fort intérieur le mépris réel et l'exclusion de tout le reste, plus le cœur se concentre sur un point, plus il se détourne des autres, et de cette mésestime, quoiqu'implicite, il est aisé de tomber dans un mépris intentionnel et volontaire, particulier ou général. Une semblable disposition ne se cache pas toujours au fond du cœur, mais elle se traduit par d'injustes comparaisons, comme celle-ci. Telle ou telle personne n'est pas comme telle ou telle autre. Le second dommage consiste à exciter les sens à des complaisances et à des voluptés sensuelles. Le troisième est de porter à l'adulation et à la flatterie, source déplorable de vanité et de mensonges. Isaïe le proclamait au nom du Seigneur, « Mon peuple, ceux qui vous disent bienheureux vous séduisent. » Citation, I, 12, sans doute on peut parfois louer avec justice les grâces et les charmes extérieurs, mais ce serait merveille qu'il n'en résultât pas quelque inconvénient, soit d'exposer le prochain à une complaisance vaine et à une joie frivole. Soit de fixer sur ce point des affections et des intentions qui ne sont pas exemptes d'imperfection. Le quatrième dommage, qui est général, fait perdre leur vivacité à la raison et au bon sens. La joie, qui a pour objet les biens temporels, amène un inconvénient moindre, il est vrai, mais cependant analogue à celui-ci, car, nous le savons, les biens naturels ont avec l'homme une liaison plus étroite que les temporels, la joie qu'il en éprouve est par conséquent plus vive, et comme elle lui laisse une empreinte plus profonde, elle fascine davantage le sens de l'esprit, alors la raison et le jugement, enveloppés par cette affection intime comme d'un voile ténébreux, perdent leur liberté, de là résulte le cinquième dommage, à savoir, la dissipation de l'esprit dans les créatures, celui-ci à son tour produit le sixième, c'est-à-dire la tiédeur et la langueur spirituelle, dommage qui naît en général de toutes les joies, et atteint d'ordinaire un tel degré, qu'il appesantit l'âme sous le poids d'un inexorable ennui, d'une tristesse profonde et même d'une sorte d'horreur pour les choses de Dieu. Avant d'arriver à une pareille extrémité, il est certain que cette jouissance fait perdre au moins la pureté de l'esprit. Si l'on ressent quelques mouvements de ferveur, ce ne sera qu'une dévotion sensible, toute grossière, peu spirituelle, encore moins intérieure et recueillie, qui résidera plutôt dans le sentiment que dans la vigueur de l'âme. Elle sera faible et imparfaite, incapable par là d'étouffer l'habitude de la passion de la joie. Or une habitude désordonnée suffit pour enlever la pureté de l'esprit, alors même que dans l'occasion l'âme ne consente pas aux actes de cette joie, on n'expérimentera que cette ferveur a son siège dans la faiblesse du sens plutôt que dans la vigueur de l'esprit, par la conduite plus ou moins forte, plus ou moins parfaite que l'on tiendra selon les diverses occurrences. Beaucoup de vertus peuvent se rencontrer, je ne le nie pas, avec de nombreuses imperfections, mais j'affirme que la suavité et la pureté de l'esprit intérieur ne sauraient exister avec la passion de la joie non réprimée. Ici la chair milite contre l'esprit, et si l'esprit ne se rend pas compte de ses pertes, il n'en porte pas moins en lui-même la source de grandes dissipations, mais revenons au second dommage qui engendre d'innombrables maux. Il est impossible à la plume d'écrire, et à la parole d'exprimer la fécondité malheureuse de la joie, prise dans les agréments extérieurs et dans la beauté naturelle, ni de dépeindre la déplorable extrémité où elle entraîne les âmes. Ne voyons-nous pas tous les jours, à leur occasion, une multitude d'hommes mettre un terme à leur existence, que d'hommes perdus, de fortunes dissipées, d'insultes faites, que de jalousie et de contestation, que de crimes commis dans le secret, enfin que de saints précipités dans l'abîme. Imitation livre 1:7-13. Leur nombre peut être comparé à la troisième partie des étoiles du firmament, entraînées sur la terre par l'antique serpent. La plainte du prophète Jérémie se fait entendre ici. Comment l'or s'est-il obscurci? Comment a-t-il perdu son éclat étincelant? Comment les pierres du sanctuaire ont-elles été dispersées au coin de toutes les rues? Comment les enfants de Sion, qui étaient si illustres, et revêtus de l'or le plus pur, ont-ils été traités comme des vases de terre, comme l'ouvrage des mains du potier? Bête lamentation de Jérémie 4, 1, 2. Grand Dieu, jusqu'où ne pénètre pas ce mal qui est un vrai poison, et qui n'approche plus ou moins de ses lèvres la coupe dorée de la femme de Babylone, dont l'Apocalypse a dit, « Je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine des noms du blasphème, qui avait sept têtes et 10 cornes. » Apocalypse 17, 3. À tous les degrés de l'échelle sociale, à peine se trouve-t-il un juste ou un pécheur à qui elle n'ait présenté son breuvage empoisonné, en captivant plus ou moins son cœur. Saint Jean nous le rapporte. C'est avec elle que tous les rois de la terre ont forligné, et tous ceux qui habitent dans le monde se sont enivrés du vin de sa prostitution. Ibidem, 2. Elle exerce sa tyrannie sur toutes les conditions, et ne respecte même pas le sanctuaire du sacerdoce divin, où elle place, comme le dit Daniel, sa coupe abominable. L'abomination de la désolation sera dans le temple. Daniel 9, 27. Rarement la vertu d'un homme est assez forte pour repousser cette liqueur enivrante, c'est-à-dire pour résister à la jouissance funeste dont nous parlons. Tous les rois de la terre furent enivrés de ce vin, a-t-il pu être dit, à cause du petit nombre de ceux qui, même parmi les saints, n'ont pas été séduits et fascinés tant soit peu par ce breuvage enchanteur de la joie et du plaisir, offert par la beauté et les attraits naturels. Cette expression, ils s'enivrèrent, est digne de remarque. En effet, le vin des plaisirs séduit le cœur, le charme et obscurcit la raison comme le fait l'ivresse, et son poison est si violent que l'âme court risque de perdre la vie de la grâce, si elle n'use au plus tôt d'un puissant antidote. Par la faiblesse spirituelle, l'état de l'âme deviendra semblable à celui de l'infortuné Samson, elle perdra la lumière de l'intelligence, comme Samson fut privé de la vue, elle sera dépouillée de sa première vertu, comme il perdit sa force avec sa chevelure. Enfin, captive au milieu de ses ennemis, elle se verra contrainte, ainsi que le juge d'Israël, Judith, 16, 19, 21, a tourné la meule d'un moulin. À la fin de tous ces mots, peut-être trouvera-t-elle encore la mort spirituelle, de même que Samson subit la mort du temps, ainsi un grand nombre d'âmes en courent aujourd'hui, dans l'ordre spirituel. Les malheurs et la honte dont Samson fut accablé par la main de ses ennemis, à elles aussi, leurs adversaires adresseront peut-être ces insultes pleines d'ironie. N'est-ce pas vous qui rompiez les triples liens de vos chaînes? Ne mettiez-vous pas les lions en pièces? Des milliers de Philistins n'ont-ils pas été massacrés par vos mains? N'enleviez-vous pas avec leurs gonds les portes de la ville, pour vous délivrer de tous vos ennemis? Pour conclure enfin, voici le remède à tant de maux. Quand le cœur se sent ému par la joie frivole des biens naturels, il doit se rappeler aussitôt combien il est vain, dangereux et préjudiciable de se réjouir d'autre chose que de procurer l'honneur de Dieu. Il doit considérer le châtiment des anges déchus, et contempler l'épouvantable abîme où les précipita un seul regard de complaisance sur leur merveilleuse beauté, et sur les dons de leur nature. De combien de maux une vanité analogue naît? Elle pâle la source chaque jour. Ces réflexions nous engagent à suivre le conseil d'un poète, s'adressant à ceux qui sentent germer en leur cœur l'affection des biens naturels, hâtez-vous dès le début d'appliquer le remède. Parce que si le mal a eu le temps de croître et de s'enraciner, il sera trop tard pour le surmonter. Imitation livre 1:7-13. Ne faites pas attention au vin qui brille dans la coupe, nous dit le sage, Il s'insinue agréablement dans les veines, mais il mord à la fin comme la couleuvre, et il distille son venin comme un basilic. Proverbe 23:31-32. Chapitre 22. Avantage qu'il y a pour l'âme à ne pas placer sa joie dans les biens naturels. En détournant son cœur de la joie des dons naturels, l'âme reçoit d'innombrables biens, cette abnégation la dispose à l'amour divin, et à l'acquisition de toutes les vertus, elle l'exerce directement à l'humilité envers elle-même, et à une charité universelle à l'égard du prochain. En effet, si l'âme ne s'attache à personne en particulier, en vue des qualités naturelles qui sont mensongères, elle se conserve la liberté d'aimer tous les hommes d'un amour raisonnable et spirituel, comme Dieu l'ordonne. Aucune créature ne mérite d'être aimée, sinon pour la vertu dont elle est douée, cela est hors de doute. Aimer de la sorte, c'est le faire selon Dieu et avec une entière liberté. Et si cet amour nous attache à la créature, il nous attache plus fortement encore au Créateur. Plus la charité se répand sur le prochain, plus elle se dilate envers Dieu. Réciproquement, plus elle approche du foyer éternel de l'amour, plus aussi elle éprouve le besoin de se répandre sur autrui. Ces deux amours ne jaillissent-ils pas du même principe? Non. Il pas la même cause efficiente. Un autre précieux avantage résulte de ce détachement, c'est d'accomplir et d'observer avec perfection ce précepte de notre divin Sauveur. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Matthieu 16, 24. Il serait impossible à l'âme de le réaliser, si, donnant un libre cours à la passion de la joie, elle la laissait se répandre sur les dons naturels. S'estimer soi-même, ce n'est pas se renoncer, ce n'est pas marcher à la suite du Christ. Se refuse-t-on en est ce genre de jouissance, on acquiert encore un immense avantage, c'est d'établir l'âme dans une tranquillité parfaite, de fermer l'entrée aux distractions et de favoriser le recueillement des sens, particulièrement de celui de la vue. Loin d'aspirer à se satisfaire dans ses biens, l'âme s'interdit même d'y fixer ses regards et de perdre le temps à y penser. Elle ne permet pas à ses sens de s'y complaire, de peur d'être captivée par leurs attraits séducteurs. Semblable au serpent et à l'aspic qui se bouche les oreilles pour ne point entendre la voix des enchanteurs, et n'en pas ressentir quelque funeste impression. Psaume 57, 5, 6. Lorsque les portes extérieures, c'est-à-dire les sens, sont ainsi bien gardées, l'âme possède une admirable tranquillité, une pureté toujours croissante. Les âmes déjà avancées dans la mortification de cette sorte de joie, y rencontrent encore un autre profit qui n'est pas moindre, le voici. Les objets sensuels et les mauvaises pensées ne leur font pas la même impression qu'aux âmes assujetties à ces jouissances. Ainsi, par la mortification de cette passion, l'homme spirituel acquiert une pureté d'âme et de corps qui l'enveloppe tout entier, esprit et sens, au point de le rapprocher de Dieu par une vie tout angélique, et de le rendre vraiment le temple du Saint-Esprit. Ce sanctuaire sera profané si le cœur donne le moindre accès à la joie dans la possession des biens et des dons naturels. Pour cela, il n'est pas nécessaire de consentir à des actions honteuses. La délectation produite par la seule connaissance suffit pour souiller l'âme et les sens. L'Esprit Saint nous assure qu'il se retire des pensées sans intelligence. Sagesse 1, 5, c'est à dire de celle qu'une raison éclairée ne dirige pas vers Dieu. Autre avantage général, l'âme se délivre non seulement des préjudices et des maux énumérés plus haut, mais encore elle se préserve d'innombrables tentations de vanité, et d'une foule d'autres inconvénients dans l'ordre spirituel ou dans l'ordre temporel. Surtout elle évite de se rendre digne du mépris qui est dû aux personnes infatuées de leurs mérites, et des dons naturels qu'elles rencontrent en elles-mêmes, ou dans le prochain, ceux-là sont estimés sages et prudents, et ils le sont en effet, qui, ne tenant aucun compte de ses jouissances éphémères, s'attache exclusivement à plaire au Seigneur. De ces divers avantages enfin, résulte le dernier, qui est un bien inappréciable en ce qu'il est utile à tout, c'est la liberté d'esprit, sans elle on ne peut servir le Seigneur, surmonter avec courage les tentations, souffrir de gaieté de cœur les tribulations, et faire chaque jour de nouveaux progrès dans l'exercice des vertus.